Avoir. J'ai. Je n'ai pas. Vous avez. Vous n'avez pas. Il a. Il n'a pas. Nous avons. Nous n'avons pas.